Tu es parti faire ton chemin, je suis ici avec les chiens, les poules, les lapins. J'allais oublier les gamins, sacré coquin, toujours prêt pour donner un coup de main. Tu es revenu, bronzé et menu, je t'ai pas perdu de vue, je t'ai reconnu. Tu es revenu et je suis ému, surtout ne t'en va plus. Tu es parti vers Compostelle, je suis ici avec le linge, les lits, la vaisselle. J'allais oublier les poubelles et les gamelles, des chiens surveillés avec zèle. Tu es revenu, bronzé et menu, je t'ai pas perdu de vue, je t'ai reconnu. Tu es revenu et je suis ému, surtout ne t'en va plus. Tu es parti vers Santiago, je suis ici avec les cris, les rires, les bravos. J'allais oublier les bobos et tout de go, des repas servir à gogo. Tu es revenu, bronzé et menu, je t'ai pas perdu de vue, je t'ai reconnu. Tu es revenu et je suis ému, surtout ne t'en va plus. Tu es parti, tu as grandi, je suis ici, je crois que j'ai fait des progrès aussi. Pour tout ça je te remercie, tu m'as permis de recevoir de nouveaux amis. Tu es revenu, bronzé et menu, je t'ai pas perdu de vue, je t'ai reconnu. Tu es revenu et je suis ému, surtout ne t'en va plus. Tu es revenu et je suis ému, surtout ne t'en va plus.